Donc moi, ce que je vous propose, je vais vous présenter l'entreprise, notre entreprise qui est installée dans les Landes, qui est l'entreprise Wateco. C'est une PME familiale qui est inscrite dans une démarche globale, on va dire, liée au territoire positif, également tout ce qui est recyclage des déchets. Donc c'est une entreprise qui a différentes particularités. La première, c'est d'être dans l'univers du recyclage, puisque on va transformer un déchet qui est du papier pour fabriquer un isolant. Ça s'appelle de la ouate de cellulose. Et une de nos spécificités, c'est entre autres d'avoir une démarche globale de développement durable, puisque l'entreprise, le projet a été installé en 2009. On a commencé à produire en mars-avril 2010. Et on a une démarche globale, donc avec la partie économique, écologique et progrès social. Donc la première partie que vous voyez, c'est effectivement le bâtiment, où on est venu se positionner donc à Saint-Jean-de-Maurienne avec un bâtiment qui est intégralement biosourcé, isolé en ouate de cellulose, démarche HQE, BBC sur les bureaux. On n'a pas de système à proprement parler de chauffage ou de climatisation, on a un système de double flux. Et on a rajouté, il y a un an et demi de ça, une toiture solaire intégrale qui produit plus d'énergie que l'on consomme. Donc il n'y a que trois usines comme ça en France. On est bâtiment industriel positif. Ce que vous voyez au niveau d'une des photos, alors on voit la structure à gauche, hein, du bâtiment qui est tout en bois. Et à droite, ce que vous voyez, c'est l'insufflation de la ouate de cellulose dans la partie bureau. On a procédé à une insufflation par l'extérieur de ouate de cellulose au niveau de notre bâtiment. Alors la ouate de cellulose, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? C'est un matériau que l'on va fabriquer à partir de recyclage essentiellement, donc on le voit ici, de papier. Alors pas tout type de papier, parce qu'il y a une sélection spécifique que l'on fait. On utilise des pâtes mécaniques de fibres de bois, donc essentiellement des journaux. On peut utiliser des types des papiers bureautiques, éventuellement des kraft, donc on pourrait appeler ça aussi des cartons. Pour quelle raison on va utiliser ces matières-là? Parce qu'à la base, c'est fabriqué à base de bois et on va obtenir la performance d'un isolant équivalent au bois. Je schématise, mais c'est l'ordre d'idée. Donc ce matériau, à partir du papier, on obtient un matériau qui a une constitution que l'on appelle ouate, parce que ça ressemble à quelque chose d'assez ouaté, plutôt fibreux. Ça gratte pas, ça pique pas, c'est plutôt assez doux. Alors je précise, parce qu'on m'a posé la question ce matin, c'est un produit qui est protégé contre le feu en utilisant entre autres du sel de bord. Donc on vient à un moment mettre l'équivalent de 5% de sel de bord dans le produit, pour le stabiliser contre le feu. Je donne aussi l'information parce que peut-être qu'on me posera la question. Il n'y a aucune réglementation aujourd'hui sur les isolants concernant le feu. Donc on peut très bien avoir des produits qui brûlent de façon naturelle, sans traitement, parce que tout simplement dans l'univers du bâtiment, la protection au feu est réalisée par le support qui est devant le matériau. Donc si on a une plaque de plâtre ou si on a un fermacelle, peu importe, ou un panneau de bois, c'est effectivement le panneau qui fait la protection au feu. Pas proprement parler d'isolant. Il se trouve que malgré tout, nous on a pris la décision d'avoir une certification contre le feu sur le matériau pour des raisons de sécurité. Si jamais à un moment il y a un incendie, une problématique dans l'habitat, il faut que les personnes aient le temps de sortir. Donc c'est un matériau qui permet, en cas d'incendie, d'avoir environ 20 minutes pour sortir du bâtiment. C'est un matériau qui se consume tout doucement, qui ne fera jamais de flamme et qui n'a pas de fumée toxique et qui ne ruisselle pas ou qui ne goûte pas. Au-delà de ça, le bâtiment, alors, quand on a, enfin, pardon, l'isolant, quand on a lancé ce projet, comme j'expliquais au départ, nous sommes une structure familiale, donc je suis gérant de l'entreprise. Et en fait, j'ai vécu quelque temps aux États-Unis et j'avais vu, moi, ce type de matériaux fabriqués aux États-Unis, où c'est fabriqué depuis 1930. Donc, beaucoup de gens parlent d'innovation quand on est sur ce type de matériaux. C'est assez relatif en termes d'innovation. C'est-à-dire, on a beaucoup plus d'antériorité que tous les autres matériaux isolants. À part peut-être le bois, qui déjà potentiellement pouvait être utilisé, mais c'est un matériau qui est très ancien. Pour vous donner aussi le type de perspective sur ces matériaux-là que l'on pourrait avoir, en tout cas chez nous, en termes de création d'emplois, de développement, ce sont des matériaux qui représentent aujourd'hui aux États-Unis environ 25% du marché, au Canada de l'ordre de 25 à 30%, et dans le nord de l'Europe, on va de 25 à 35%, en fonction des pays. Il y a des raisons. À ça, c'est surtout la performance du matériau et le faible coût à la production, sachant qu'en plus on va utiliser des matériaux recyclables, biosourcés, donc renouvelables. Le matériau a une autre particularité, alors si ce n'est qu'en bas on a un outil de production que l'on a acheté en Finlande, parce qu'ils sont spécialisés sur la performance énergétique des matériaux, parce qu'ils ont des conditions assez complexes avec des fois du moins 30 l'hiver, du plus 30 l'été, donc ils vont vraiment chercher la performance. Nous, on a investi au mieux 10 ans au niveau du matériel pour avoir la meilleure qualité possible. Et un élément aussi qui est intéressant dans l'ensemble de la démarche de Wateco, donc on passe par l'écologie, l'économie, on essaie d'avoir quelque chose de très performant en termes de pertinence de prix pour la mise sur le marché. Ce sont des produits aujourd'hui qui valent le prix des laines minérales et de ce qu'on peut trouver de moins cher sur le marché, mais qui sont beaucoup plus performants. L'autre intérêt qu'il peut y avoir dans l'ensemble de la démarche que l'on a, qui rejoint l'économie circulaire, c'est que plus de 50% aujourd'hui de nos approvisionnements sont des approvisionnements en circuit court, sur lesquels on va travailler sur la collecte et du recyclage de matières via soit des communautés, soit éventuellement des collectivités, sur lesquelles on va effectivement acheter à un coût économique qui soit intéressant pour tous les acteurs, une matière pour la recycler chez nous. Donc c'est le cas par exemple de partenariats que l'on a sur les Landes sur le 64 avec la communauté Emmaüs, le village de Lescar, où on collecte à peu près l'équivalent de 200 tonnes à l'année. C'est le cas aussi de Landes de partage. On a différentes associations, de clubs sportifs. Donc on a aujourd'hui environ 120-130 partenariats de collecte des matières en circuit court pour pouvoir le transformer chez nous en matériaux. Bon, une autre particularité, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit non plus, mais on est assez impliqué dans une démarche locale et nationale. Peut-être pas que je m'approche d'Eric parce qu'il fait des vibrations. On est un matériau qui est 100% français au niveau de l'approvisionnement des matières, en français et basque. Parce que moi j'habite au Pays basque, donc on a aussi des matières qui viennent du Pays basque, mais on est vraiment sur un travail en circuit court et sur une valorisation au maximum sur notre territoire de la matière. De la même façon, sur tout ce qui est commercialisation du matériau, on va essayer au maximum d'avoir une commercialisation qui va plutôt s'axer, on va dire, sur le Grand Sud-Ouest. Donc on évite, moi j'en vois pas des camions rouler à Lille, je vois pas tellement l'intérêt, je préfère privilégier un développement régional, avec un axe s'il faut descendre un peu sur le nord de l'Espagne, sur le Pays basque espagnol, plutôt que d'éviter d'aller faire du carbone avec des matériaux qui contiennent beaucoup d'air, donc du coup qui vont nécessiter beaucoup de carbone pour faire du roulage. Donc ce que l'on voit là, c'est les différentes applications, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un matériau qui peut s'appliquer dans tout type d'utilisation, que ce soit en construction neuve ou en rénovation. Ce qui est le plus courant, c'est ce que l'on voit ici là, c'est le soufflage en comble perdu, où très souvent vous avez un comble, on vient souffler l'équivalent d'un matelas. C'est l'utilisation ou la mise en œuvre, c'est équivalent à ce qu'on peut trouver en matériau conventionnel. Il n'y a pas vraiment de spécificité sur le produit. Il y a une deuxième application, celle du milieu, qui est assez intéressante, qui va être, on appelle ça de l'insufflation, on va remplir tous les vides d'air potentiels que l'on peut avoir à un moment au niveau des parois d'un bâtiment. Donc, ça soit un bâtiment collectif, industriel, individuel, il n'y a pas vraiment pour nous de problématique au niveau de la mise en œuvre. On a du matériel avec une machine, là, rouge en bas, on a différents types de matériel, fabriqués par les Allemands depuis plus de 45 ans, sur lequel on a la capacité de pouvoir régler les densités que l'on souhaite. Je ne sais pas si je vais pas abandonner le micro. Donc, on peut régler tout à fait les densités que l'on souhaite au niveau de la mise en œuvre de matériaux, ce qui permet d'avoir aussi bien des usages sur le matériau pour du soufflage de comble perdu que de l'insufflation dans des parois sans aucun tassement et sans pompe thermique. Effectivement, quand on fait un travail au niveau, par exemple, des TEPOS ou de la rénovation de tout ce qui est bâtiment, bien sûr qu'on va aller chercher certainement à un moment à produire de l'énergie, à travailler sur toute la partie ENR, mais aussi l'objectif c'est de réduire nos consos et d'être le plus confortable possible au niveau de l'habitat. Et il y a une dernière application que l'on voit sur les deux photos de droite qui est assez amusante. Comme on utilise des fibres qui sont au départ issues du bois, donc transformées en papier, on a de la cellulose. Et on va tout simplement envoyer le matériau avec de l'eau, la cellulose va coller, ça va devenir rigide, on égalise. On attend une semaine à 15 jours que ça soit bien sec avant de refermer et on referme. Donc on peut tout à fait isoler des murs qui sont complètement tordus, où il y a 15 cm en haut, 3 cm en bas. On n'a pas vraiment de limite à partir du moment où on a le bon matériau, le bon matériel, et je rajoute l'artisan également qui sait faire la mise en œuvre. Ce n'est pas forcément très complexe. On a également installé un centre de formation agréé sur notre usine. Donc on a formé aujourd'hui, je crois que c'est 132 artisans, la mise en œuvre dans les règles de l'art, qui sont essentiellement des artisans centrés sur le Grand Sud-Ouest. Donc, pour venir sur quelque chose d'un petit peu plus factuel, quel peut être l'intérêt d'isoler avec ce type de matériaux? Donc, comme je vous l'ai indiqué, on est sur des prix qui sont sur les prix des isolants les plus bas, que sont les laines de verre ou laines de roche que l'on connaît. Voilà le type de performance que l'on peut avoir. Donc ici, vous avez, ça c'est très factuel, on a fait une cinquantaine de diagnostics avec la ville de Bayonne sur des bâtiments qui ont été isolés, donc à la charge de la ville de Bayonne, qui a enlevé les vieux isolants et remis à la place de la ouate de cellulose, et on a suivi les consommations pendant une année. Là, vous avez un des exemples, donc c'est une maison, ici on voit le plafond, c'est une maison des années 70, sur lequel il y avait l'équivalent de, il y avait deux panneaux de laine minérale croisés, c'est ce qu'on voit en fait ici au niveau du rapport du constat thermique. Donc on avait au départ 2 fois 20 cm d'isolant qui se sont tassés, et on voit qu'à un moment, donc on n'a plus que 16 cm, et on voit également ce qui apparaît ici en fait en bleu, cette zone-là, voilà, pas ici plus bas parce que ça c'est le mur en fait, si on regarde, mais cette zone bleue, ça c'est effectivement soit le pont thermique, soit de l'humidité qui est venue se mettre sous l'isolant. Et là, vous aurez beau faire ce que vous voulez, avoir la meilleure chaudière du monde, si vous ne solutionnez pas ça, vous allez continuer à essayer de chauffer votre plafond, ça ne marchera pas, parce que vous aurez une zone froide ou une zone d'humidité. Donc ce qu'on a fait sur la photo de droite, ici, on a donc déposé le vieil isolant et on l'a remplacé par une ouate de cellulose, par notre ouate de cellulose, avec un facteur quand même important qui impacte, hein, c'est qu'on est passé de 16 cm à 30 cm. Donc on est passé quasiment d'un R de 3,5, d'une résistance thermique de 3,5 à une résistance thermique de 7. Donc de fait, on a augmenté la masse et on a augmenté l'épaisseur. Mais ce qui est intéressant, alors je vais pas rentrer dans l'analyse sur les isolants, mais ce sont les 4 premiers centimètres d'isolant qui font les 80% de l'isolation. Donc malgré tout, même quand on a une faible épaisseur, si on a un isolant de qualité sans pont thermique, on peut obtenir de bons résultats. Après, en augmentant l'épaisseur, on va rajouter de la masse, donc surtout du confort d'été, ou ce qu'on appelle de la charge massique, de la chaleur massique. On va capter plus d'énergie qui va se répartir beaucoup plus lentement ensuite dans le bâtiment et l'équilibrer. Donc ça a du sens, c'est d'augmenter les épaisseurs. Et ici, voilà ce qu'on arrive en termes de résultats. Hop là, voilà, vous l'avez ici, sur cette maison. Donc on a économisé simplement en rénovant l'isolation de comble, 55% de chauffage sur l'année suivante. Donc on n'est pas sur du 20 ou 25%. L'avantage des isolants végétaux, comme ils ont une masse plus importante, ils ont sur nos fibres, on a de l'air à l'intérieur de la fibre. En fait, on superpose des couches de fibres avec de l'air inerte. Et on a une performance beaucoup plus élevée, aussi bien en termes de conservation de la chaleur à l'intérieur quand il fait froid l'hiver, que de la même façon pour protéger contre la chaleur d'été. Donc on a fait avec un centre de ressources technologiques qui est sur Anglette, on a fait une autre étude qui consiste à comparer deux maisons neuves pendant une année, une isolée en laine de roche, l'autre avec notre isolant, exactement les mêmes maisons. Hein. C'est l'école d'ingénieurs qui avait fait les maisons avec la même performance, on va dire. Et on a vu deux éléments très intéressants au niveau des deux maisons neuves. Donc, période hiver, on avait mis des consignes de 21 degrés dans les deux maisons. Et on a laissé fonctionner les deux maisons en consommation chauffage. On a consommé 26% de moins. Donc, un quart de moins. Quand on parle de transition énergétique, si on vient substituer à un moment donné des isolants minéraux par des isolants végétaux, c'est l'ordre d'idée que l'on va avoir d'économie de consommation de chauffage. Un quart. Donc on est quasi dans ce qu'on objective aujourd'hui au niveau du Grenelle, par exemple. Le deuxième élément que l'on a vu, c'est période été. Donc en période été, on avait en moyenne 29 degrés dans la maison en laine minérale, en laine de roche, sur des périodes d'été où on avait des températures extérieures jusqu'à 36 degrés. Donc à partir de 26 degrés, le corps a trop chaud, il faut surventiler ou climatiser. Et c'est souvent des questions de confort. Nous, on n'est jamais monté au-dessus de 24. Donc on a un déphasage très important sur ces matériaux-là. En termes de confort, c'est vrai que souvent on parle d'énergie pour chauffer, mais tout ce qui est chaleur est également un phénomène très important. Donc il faut aussi, sous nos climats qui peut-être prennent des degrés, en tout cas c'est ce que semble dire un certain nombre d'observateurs, il faut aussi penser à un moment donné à tout ce qui est confort d'été. Donc on a l'avantage d'avoir un matériau qui réagit très bien, particulièrement aussi pour tout ce qui est confort d'été, au même titre que la fibre de bois. Et je rajoute un élément qui est assez intéressant, surtout sous nos proximités océaniques, c'est un isolant qui est perspirant, donc qui va laisser ressortir l'humidité. Il a la capacité, nous quand on fabrique le matériau, on est entre 5 à 6% d'humidité, mais on peut stocker jusqu'à 18 à 20% d'humidité, tout en conservant 80% des performances. Et ensuite, le matériau ressèche derrière. Donc, c'est pas miraculeux, hein. C'est le monde du végétal qui nous apprend beaucoup de choses et c'est par un système assez simple de défibrage et de revalorisation de ces matières. Voilà, donc je vous ai fait une explication assez large de ce qu'on produit, de la façon dont on le produit et de la façon dont on s'inscrit dans le territoire et dans des projets type TEPOS. Il y a aussi un autre sujet sur lequel on travaille de façon active et bien avec Eric Buffot du SMICVAL ici, avec Marie-Christine, qui est tout ce qui est également économie circulaire hein, au niveau entre autres de la région, puisqu'on essaie au maximum de privilégier tout ce qui est valorisation des matières sur notre territoire, alors essentiellement végétal, c'est plutôt notre cœur de métier, essayer de faire du développement pour créer de l'emploi et améliorer les performances sur notre territoire. Voilà, c'est vraiment notre cheval de bataille. Pour ceux que ça intéresse, dont l'usine est à Saint-Jour-de-Maraine, sur quasiment au bord de l'autoroute, à 10 km de Dax et 30 km de Bayonne, et l'usine se visite. Vous avez le site internet si vous le souhaitez, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera pour vous montrer ce que l'on produit. Merci.